الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous avons dit la dernière fois que le tafsir, la science de l'exégèse coranique, ou la méditation, ou le ta'wil, nécessite le passage par trois étapes. Nous avons parlé de la première étape, à savoir la connaissance du sens des mots coraniques, le recours au lexique coranique. C'est normal. Pour comprendre le verset, il faut d'abord comprendre le sens des mots qui constituent les phrases qui constituent ce verset-là. Donc, il faut recourir au lexique. Nous avons parlé des premiers lexiques, nous avons dit que qu'il y a des récits sur l'explication de certains mots qui remontent authentiquement à Abdullah ibn Abbas. C'est le plus ancien lexique. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons continuer ce dars. Nous sommes, le 26e dars de la série de leçons de l'Isqan de l'imam Suyuti. Alors, le lexique coranique, Gharib al-Qur'an, cette branche-là se ramifie en fait en trois sous-branches. La première, c'est ce qu'on appelle al-wujuh. Ça veut dire la connaissance des mots ayant plusieurs significations, c'est-à-dire des mots polysémiques. La deuxième, c'est an-nadha'ir. Nadha'ir, c'est la connaissance de mots ayant une seule signification. Plusieurs mots ont en commun une seule signification. Si vous voulez, nadha'ir, c'est l'inverse des wujuh. Et la troisième sous-branche, c'est ce qu'on appelle afrad. Afrad vient du fard, c'est-à-dire fard. Nfarada, ça veut dire se distinguer. Afrad, ce sont les exceptions. Ça veut dire les mots qui ont un même sens dans tout le Coran, sauf dans un endroit particulier où leur sens diffère. D'accord ? Ça, on va, Inch'Allah, vous l'expliquer. Suyuti, à son habitude, il a commencé par citer certains de ceux qui ont composé des livres dans cet art, à savoir l'Wujuh al-Nadha'ir. On va commencer d'abord par l'Wujuh al-Nadha'ir. Il a dit, Sannafa fiha qadiman Muqatil ibn Sulayman, wa min al-Mutaakhirin ibn al-Jawziyyi, wa ibn al-Damaghani, wa Abu al-Husayn Muhammad ibn Abd al-Samad al-Misri, wa ibn Faris wa akharun. Alors, il a cité certains de ceux qui ont composé des livres sur le wujuh wa nadha'ir, le wujuh, des mots polysémiques, nadha'ir, ça va être plusieurs mots ayant en commun une seule signification. Il a cité certains noms d'exégètes qui ont composé des livres dans cette science-là. Muqatil ibn Sulayman al-Balkhi, il a cité Muqatil ibn Sulayman. Muqatil ibn Sulayman, il est ancien, il est mort en 152 l'Hégire, ça veut dire 13 siècles à peu près. C'est un exégète. Il a composé un tafsir. Hein, le livre auquel fait allusion Suyuti quand il dit Muqatil ibn Sulayman, c'est Al-Wujuh wa Nadha'ir fil Qur'an al-Karim. Ce livre-là a été édité. Il est édité. Puis il a dit, وَمِنَ الْمُتَأْخِرِينَ ابْنُ الْجَوْزِي وَابْنُ الدَّامَغَانِي وَأَبُو الْحُسَيْنِ. Il dit parmi les savants des générations postérieures, parce que Muqatil ibn Sulayman est ancien, parmi les savants des générations postérieures qui ont écrit sur ce sujet, As-Suyuti, il a cité Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi est venu plus tard. Ibn al-Jawzi, il est mort dans la fin du 6e siècle. Il y a 8 siècles déjà. Ibn al-Jawzi, quand il cite Ibn al-Jawzi, il fait allusion au livre, wallahu a'lam, au livre Muntakhab Qurrat al-Uyun al-Nawadhir fi al-Wujuh wa al-Nadha'ir. Muntakhab Qurrat al-Uyun al-Nawadhir fi al-Wujuh wa al-Nadha'ir. Parce qu'il y a deux livres en fait. Il y a Muntakhab Qurrat Uyun Nawadhir fil Wujuh wan Nadha'ir. Il y a Nuzhatul A'yun wan Nawadhir fi 'ilm al Wujuh wan Nadha'ir. En fait, le premier, il est le résumé du deuxième. Il a fait deux livres dans le il a fait deux livres et il a fait Nuzhatul A'yun et puis il l'a abrégé. Il l'a résumé dans le livre Muntakhab Qurrat Uyun Nawadhir fil Wujuh wan Nadha'ir. Ça c'est parlant d'Ibn al-Jawzi. Il a dit, il a cité aussi Ibn al-Damarani. Ibn al-Damarani, il est mort à la fin du 5e siècle de l'Égypte. Ça fait 9 siècles. Ibn al-Damarani, il a écrit Islah al-Wujuh wa al-Nadha'ir fil Qur'an al-Karim. Ce livre a été, il se trouve dans les librairies, il a été édité. Puis il a cité Muhammad ibn Abd al-Samad, Ibn al-Faris. D'autres auteurs. Puis, bon, le Suyuti lui-même, comme il l'a signalé dans son chapitre d'ailleurs, il a écrit un livre sur Al-Wujuh et il l'a intitulé Mu'tarak al-Aqran fi Mushtarak al-Qur'an. Il a consacré un chapitre déjà sur Al-Wujuh al-Nadha'ir, les polysémiques et les mots ayant un même sens, ayant en commun un même sens. Lui, il a consacré carrément un livre sur ça, sur le wujuh et le nadha'ir. Il l'a appelé Mu'tarak al-Aqran fi Mushtarak al-Qur'an. Je vais donner des exemples du wujuh. Wujuh, terme polysémique, comme j'ai dit. As-Suyuti, il a donné l'exemple du terme huda. Huda, guidance. Il a dit qu'il a 19 wajah, 19 aspects, 19 significations. Le huda, il a le sens de thabat, il a le sens de raffermissement. Le huda, raffermissement, comme dans la sourate al-Fatiha, « Ehdina s-sirat al-mustaqim »« Raffermis-nous sur la voie de rectitude. » Ad-din, il a aussi, le huda a aussi le sens de religion. « Inna al-huda huda Allah » La religion, c'est la religion d'Allah, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate al-Imran. « Qul inna al-huda huda Allah » Ayyuta ahadum mithla ma outitum. La religion, le huda, c'est le huda d'Allah. Et si le huda a le sens de religion. Et huda aussi, littéralement, huda, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est guidance, n'est-ce pas? Hada et hadi, c'est guider. Et huda, c'est guidance. Mais là, ça peut prendre d'autres sens. Il désigne aussi rusul, ou al-kutub, les envoyés et les livres. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى Ça c'est dans sourate al-Baqara. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ De ma part vous viendra une guidance. Nous dit descendez en tous, descendez du paradis tous, Adam et Ève. En vérité, de ma part, vous viendra une guidance, et ceux qui suivront ma guidance n'auront rien à craindre et ne seront point attristés. Donc, guidance ici veut dire les prophètes et les livres. Huda signifie aussi iman, la foi. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Allah ajoute plus de guidance à ceux qui se guident bien. Ça c'est dans Sourate Maryam. Plus de guidance, plus de foi. Le huda peut signifier aussi Taurat. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى Dans Sourate Ghafir. Nous avons transmis à Moussa le huda. La guidance ici, c'est la Torah. Le huda peut avoir le sens de réforme, al-islah. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ Allah ne guide point la machination des perfides. Allah ne réforme pas la machination des perfides. Il a le sens de réforme. Il a le sens aussi d'inspiration, l'ilham. A'ta rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada. Sourate Taha. Moussa alayhi salam a répondu à Pharaon. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Notre Seigneur est celui qui donne à toute chose sa nature puis le guida, c'est-à-dire lui inspira, ألهمه ثم هدى le guide lui inspira d'aller vers ce qui lui profite. Il a inspiré au nouveau-né d'aller vers le sein de sa mère. Il inspire aux abeilles de travailler en groupe et de s'organiser. Etc. Je donne un autre exemple, cité aussi par l'imam Suyuti. C'est Ruh, esprit Ruh. Ruh, qui est à la base, il a le sens de l'âme. Il t'interroge au sujet de roh, de l'âme. Le roh, l'âme, sa science incombe à Allah subhanahu wa ta'ala, est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, roh, c'est l'âme. Mais dans d'autres versets, il a d'autres sens. Par exemple, yunazzilu al-mala'ikata bil-ruhi min amrih. Ça c'est dans sourate An-Nahl. Yunazzilu al-mala'ikata bil-ruhi min amrih an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yunazzilu al-mala'ikata bil-ruhi. Il fait descendre les anges avec le roh. Il fait descendre les anges avec la révélation. Ici, le roh n'a pas le sens de l'âme, mais il a le sens de la révélation. Wa awhayna ilayka ruhan min amrina, dans un verset, dans Surat Shura. Là, le roh a le sens de quoi? Nous t'avons révélé un esprit procédant de notre ordre. Roh ici a le sens de Coran. Coran, ou hina ilik al Coran. Allah s'adresse à son prophète. Le roh peut avoir aussi le sens de Jibril. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا سورة مريم. Nous lui avons envoyé notre esprit. Nous avons envoyé notre esprit à Maryam. Jibril alayhi salam. Bon, il y a plusieurs exemples. Le zikr, par exemple, le zikr, il a plusieurs sens dans le Coran. Il a le zikr, l'invocation par la langue. Il a le zikr, le hifd, le rappel, la mémorisation. Il a le sens de l'obéissance. Il a le sens de la récompense. Il a le sens des cinq prières. Il a le sens de l'exhortation. Il a le sens de l'explicitement, l'explication. Il a le sens de du hadith, de la narration. Il a le sens du Coran, hadha zikr. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lhafidhun. Il a le sens de la Torah. Il a le sens de la critique. Ahada alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri ar-rahmani hum kafirun, dans sourate Furqan. Et celui-là qui yadhkuru alihatakum, c'est-à-dire qui critique vos divinités, ça Allah subhanahu wa ta'ala, il défend son prophète, il parle des mécréants de Quraysh qui essaie de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est celui-là qui critique vos divinités. Il a le sens aussi de la table gardée où sont consignées les destinées des hommes. Lawh al-mahfouz. Walqad katabna fi zabur min ba'di dhikr lawh al-mahfouz. C'est la table gardée. Il a le dhikr aussi, le sens de l'éloge, et le sens de la révélation. Le prophète l'envoyé. D'appeler dhikr aussi dans le Coran, salat, la prière, ou la dhikrullahi akbar dans surat al-Ankabut. Il a le sens de la prière du vendredi. Fas'au ila dhikrillah, accourez vers le dhikr d'Allah. Ça, c'est quand l'appel de la Jumu'ah du vendredi est lancé. Allah dit, accourez vers le dhikr d'Allah, c'est-à-dire vers la prière du vendredi. Je vais prendre un exemple plus pédagogique. Allez. Al-Ummah. Ummah, c'est communauté, c'est jama'a, c'est un groupe. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nous avons fait de vous une communauté médiane. Donc ici, c'est Ummah veut dire communauté. Ummah veut dire aussi confession. Milla, la confession. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا. Les gens étaient tous dans une, ou tous d'une même confession, c'est-à-dire le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqara. Donc ça c'est le milla. Wa law sha'a Allahu laja'alakum ummatan wahida, walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une communauté qui suit une seule confession. mais il égare qui il veut, il guide qui il veut. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nahl, ولكن ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. Il aurait fait de vous une communauté d'une seule confession, si vous voulez. La umma, là ici, ça a le sens de confession. Umma signifie une durée, une période. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. سورة هود. Si nous ajournons leur châtiment pour une umma, sûr qu'ils diront qu'est-ce donc qui le retient. Pour une umma ici, ça a le sens de durée déterminée. وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Ça c'est dans sourate Yusuf. C'est alors que celui, ça c'est les deux prisonniers, où Yusuf il fut emprisonné. Et bon, vous connaissez l'histoire de ses deux compagnons de prison. Il a interprété leurs rêves, puis il a demandé à celui qui sera délivré ou qui sera relâché et qui est relâché indemne. Il lui a dit, bon, fais part à ton roi, parle-lui de mon cas, c'est-à-dire, dis-lui, voilà, parle-lui de mon innocence, etc. Bon, c'est-à-dire, dans le verset du Coran, et ça c'est le rêve du roi, et qui cherchait quelqu'un pour interpréter son rêve. Et là, le prisonnier, l'un des deux prisonniers qui était avec Youssef, qui avait été élargi, il s'était souvenu après des années, pas tout son temps, c'est parce que des années, la personne, il a oublié, et puis Youssef alayhi salam, il est resté des années en prison. Ibtila, l'épreuve des prophètes. Donc, après Umma ici, c'est après une certaine période. وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Leur dit, c'est moi qui vous en donnerai l'interprétation, bon, du rêve du roi. Le sens parmi les sens de Umma, il y a imam, leader, le chef spirituel, comme dans quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim était une Umma, ça veut dire qu'il était un imam. Umma peut aussi avoir le sens de espèce, genre, espèce d'animaux. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Il n'y a pas de bêtes sur terre ni d'oiseaux volants de leurs ailes qui nous constituent une umma comme vous, c'est-à-dire une espèce. Ça c'est dans sourate Al-An'am. Ça c'est des exemples du wujuh, c'est-à-dire des termes polysémiques. Alors passons maintenant un nazaer qui est l'inverse, ce sont des mots, plusieurs mots, ayant en commun un sens, un seul sens. Hein? Ils sont peu nombreux, moins nombreux que les wujuh. Et pour les mettre en évidence, il faut faire une recherche minutieuse. Ben, en fait, le nazaer, la difficulté réside dans la recherche de la différence entre les mots ayant en commun un même sens. C'est ça la difficulté. Ceux qui ont travaillé sur Nazaer, ils travaillent sur les différences subtiles entre les mots ayant un même sens. C'est pour cela que certains savants appellent Nazaer. Vous savez, Nazaer, ça veut dire semblable. Hada Nazir ou Kada, ça veut dire telle chose, elle est semblable à telle chose. Nazaer, comme j'ai dit, certains savants les ont appelés al-furuq, les différences. Les différences, ce sont les différences subtiles. Comme Kitab al-Furuq d'Abu Hilal al-Askari. Il est un poète, un littéraire et un faqih du 5e siècle de l'Hégire. C'est les différences. Exemple, les différences comme les différences entre al-Khawf et al-Khashia, al-Rahba, al-Faza, al-Wajal. Ils désignent tous la peur. Ils comportent tous le sens de la peur. Mais il y a des différences sensibles entre ces mots-là. Il y a des différences entre ces mots. Comme le khashia. Le khashia est une crainte accompagnée de vénération. Hein? C'est une chose accompagnée de... C'est une, Pardon, c'est une peur accompagnée de science. Allah a attribué la khashya aux ulama, aux savants. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah, seuls les ulama, les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'ils le craignent avec science parce qu'ils le connaissent. Donc quand on khashya, c'est une peur accompagnée de science. Les différences, par exemple, la différence entre le khushu' et le khudu'. Le khushu' est accompagné d'une crainte révérentielle. Non, il ne peut pas, le khushu' ne peut pas être. Bien sûr, le khushu' et le khudu', ils ont pour sens commun, quoi? L'humilité. L'humilité. Seulement le khushu', c'est une humilité qui n'est pas hypocrite, qui ne peut pas être artificielle. On ne peut pas affecter le khushu'. Quant au khudu', il peut ne pas être accompagné de crainte. C'est une humilité, mais c'est plutôt une soumission. On peut se montrer soumis sans le vouloir. D'accord ? Bon, bref, bon, voilà, des différences subtiles comme le khatm et taba, le scellement des cœurs, et taba ala qulubim, il a scellé leur cœur, et khatm ala qulubim, il a scellé, il a posé un sceau sur leur cœur. Mais il y a des petites différences subtiles entre ces deux mots-là. Le khabar et le naba aussi. Le hila et le makr, la ruse et la machination. Le kaid et le makr aussi. Ils ont tous la notion de machination, de complot, mais il y a des différences. Seul un grand expert en linguistique peut déceler. C'est bon? Donc, on a fait le wujuh, nazaer. Maintenant, on est arrivé à l'afrad. L'afrad, c'est la troisième sous-branche. D'accord ? La troisième sous-branche. La troisième sous-branche, ce sont les exceptions dans le Coran. Ce sont des significations exceptées des significations courantes dans le Coran. Ce sont des exceptions. Ibn al-Faris, il a composé un livre sur ça. Hein. Ahmed ibn al-Faris, c'est un linguiste. Il est mort en 395 de l'Hégire. Hein? Il a fait un petit livre qui s'appelle l'Afrad. Bon, donc l'Afrad, c'est le mot ayant un sens déterminé dans tout le Coran, sauf dans un passage où il a un sens différent. Je vais donner un exemple. Le Bourouj, ce sont les étoiles. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ dans Sourate Al-Hijr. Nous avons placé dans le ciel des étoiles. La sourate Al-Buruj, par le ciel orné d'étoiles ou de constellations. De toute façon, Buruj signifie les étoiles. Dans tout le Coran, on trouve que le Buruj signifie les étoiles. Sauf dans un seul verset. Aynama takunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des buruj, mushayyada, ça veut dire des palais fortifiés. Là, là le sens de palais. Autre exemple, tuhusban dans le Coran, le sens de compte, de calcul. Il y a la notion de mesure. Husban, vous savez, husban, ça dérive de hasaba. Hein? Hasaba. Hasaba, compter. Hein? Calculer. والشمس والقمر بحسبان dans sourate Ar-Rahman, le soleil et la lune selon un calcul précis. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا, le soleil et la lune Allah en a fait une mesure de temps dans sourate Al-An'am. Donc حسبان ici a le sens de calcul, de compte, sauf dans la sourate Al-Kahf. Là c'est un fard, voici l'afrad. Dans sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ. Ça c'est les deux hommes, l'histoire des deux hommes, l'homme le propriétaire du jardin, où il dit, son compagnon lui a dit: il se peut qu'Allah m'accorde quelque chose de meilleur que ton jardin, et on voit sur ton jardin un husban venant du ciel. Un husban ici, ça veut dire une catastrophe. Donc, Husban a le sens de calcul, sauf dans son verset où il a le sens de catastrophe. Bon, là, la recherche des wujou, Nazaer al-Afrad, c'est vraiment, je peux dire, un jeu. C'est un travail amusant et passionnant en même temps. Mais il est fondamental pour l'exégète. Et aussi pour les traducteurs. Traducteurs, ceux qui, surtout ceux aussi qui ont pris l'initiative périlleuse de traduire le Coran, ils doivent avoir assez de connaissances dans ce domaine. Hein? Et dans d'autres disciplines, bien sûr, du tafsir. Mais ça, c'est très important. Le wujuh, le nazair, l'afrad, gharib, le Coran, ça, c'est fondamental pour un traducteur. Puisqu'on est encore dans le gharib, dans le lexique coranique, l'étude du mot coranique, rappelez toujours quand je parle de gharib, l'étude du mot, la connaissance du mot, pris isolément, je ne parle pas de sens de phrase. Je dis, puisqu'on est encore dans le gharib, c'est-à-dire le vocabulaire coranique, une question en rapport avec ce sujet. Est-ce qu'il y a dans le Coran des mots étrangers? Est-ce qu'il y a dans le Coran des mots non arabes? Avant cette question, est-ce qu'il y a dans le Coran des mots arabes qui ne font pas partie de la langue arabe de Quraysh? La réponse est oui, nous en avons parlé quand on a traité le sujet des sept ahrof, sept modes de formulation. Et cette question, elle réapparaît ici parce qu'elle a un rapport avec le chapitre du gharib, avec le chapitre du vocabulaire, du lexique coranique. D'ailleurs, As-Suyuti, rahimahullah, l'a mentionné globalement dans le 16e chapitre, modalité de la descente synthétique, fi kayfiyyat inzale, ça on en a parlé. Et l'a mentionné ici juste après le 36e chapitre. Ça veut dire le 36e chapitre, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est la connaissance du gharib. Il l'a cité ici. Dans le 37e chapitre. Hein? Fima waqa'a fihi bighayri lughati al-Hijaz. Mot coranique n'appartenant pas au parler du Hijaz. Ce qui prédomine dans le Coran, c'est la langue de Quraysh. Mais il y a des mots appartenant aux autres parlés arabes, car il y a consensus là-dessus déjà. Déjà consensus qu'il y a des mots arabes des autres tribus arabes dans le Coran. Al-Bukhari, il a mis un chapitre dans son Sahih qu'il a intitulé بابٌ باب نزل القرآن بلسان العرب نزل القرآن بلسان قريش والعرب chapitre le Coran est descendu en langue de Quraysh et des Arabes. Il y a des exemples, Suyuti a cité plusieurs exemples comme exemple لينا ما قطعتم من لينا tout لينا toute لينا que vous avez coupé ou que vous avez épargné dans sourate al-Hashr. لينا ici c'est نخلة palmier, hein? Palmier, c'est dans la langue des Aous, de la tribu de Aous, la tribu médinoise de Aous. Ya'zubu, wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama', ça il dit dans sourate Younus. Ya'zubu, ça veut dire échapper, yaribu, mais ya'zubu c'est la langue de la tribu de Kinana, c'est pas la langue Qurayshit. Ya'zubu, Quraysh, il dit yaribu. وما يعزب عن ربك il n'échappe pas à ton Seigneur, rien n'échappe à ton Seigneur, hein? Rien dans les cieux et dans la terre, la moindre particule minuscule n'échappe pas à ton Seigneur. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Comme autre terme, al-kharrasun, قتل الخراسون. الخراسون dans le Coran, c'est Kharrasoun, c'est le kazaboun, ça veut dire les menteurs. Mais le kharrasoun, c'est la langue de Kinana, de la tribu de Kinana. Midrara, yursil istama'a alaykum midrara, ça veut dire il fait descendre sur vous la pluie continuellement. Midrara mutatabi'a. Midrara, c'est une pluie continue. C'est midrara, c'est un mot de la tribu de Hudayl, c'est la langue arabe de la tribu de Hudayl. Wadusur. ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر سيدنا سورة القمر nous le transportâmes sur un arche assemblage de planches et de dosur. Dosur ici a le sens de clou, le clou, masamir, Massamir. De source est un mot arabe de la tribu de Hozaïl aussi. Il y a plusieurs mots appartenant au parler arabe non qurachite. Des tribus arabes, les noms, les langues arabes, bon, il y a le de Taqif, Jorhom, on trouve la langue de Jorhom, on trouve de Tamim, de Hudayl, de Khat'am, de Azd-Chanoua, etc. Il y a des savants qui ont recensé 7 parlers arabes dans le Coran. Le maximum qui a été recensé est 50. Il a été recensé par Abou Bakr al-Wasiti dans son livre Al-Irshad fil Qira'at al-Ashr. C'est un livre sur les 10 récitations du Coran, Qira'at du Coran. Bon, revenons à notre question. Est-ce qu'il y a dans le Coran des mots étrangers? L'emprunt lexical dans le Coran, sujet qui intéresse énormément les orientalistes. Pourquoi? Ben, ils cherchent les sources juives et chrétiennes du Coran, des arguments qui portent à croire que Mohammed a écrit entre guillemets le Coran, l'a forgé en s'inspirant des écrits des rabbins et des moines qui étaient en Arabie. L'influence, il parle de la fameuse influence judéo, la prétendue influence judéo-chrétienne sur le Coran et sur l'islam. Alphonse Mingana, qui est un prêtre orientaliste, ça c'est la fin du 19e siècle, d'origine kurde ou irakienne. Il a écrit un livre où il soutient qu'il y a derrière le Coran une tradition syriaque littéraire. Son livre, il s'appelle Syriac Influence. Of the style of the Quran, of the Quran, l'influence syriaque sur le style du Coran. Arthur Jeffrey il prétend qu'il a recensé 275 mots principalement empruntés à l'araméen, à l'hébreu, au syriaque, au perse, à l'amharique, au grec. Son livre est intitulé The Foreign Vocabulary of the Quran, le vocabulaire étranger dans le Coran. Bon, plusieurs orientalistes, ils ont parlé de ça. Noel Dekey, là, on a parlé. Et de Goldzier aussi. Bon, presque la majorité d'entre eux. Ils attaquent le Coran par ses choubouhettes, ses arguties fallacieuses. Le Coran, ils disent que le Coran, n'est, en fin de compte, n'est qu'un emprunt. Ils accusent les musulmans, ils disent, vous dites que le Coran est inimitable par son éloquence, alors que finalement, il a été copié, et c'est une compilation de textes plus anciens que lui. Et il dit, vous dites que dans le Coran, c'est marqué, nous l'avons fait descendre en langue arabe. Vous dites que le Coran dit que il est en langue arabe sans détour, alors qu'il y a des mots étrangers à l'intérieur. Des choubouhats de ce genre. Comment répondre à cette chouba? Comment répondre à cette chouba? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il défend son livre. Il dit: nous savons bien qu'ils disent, c'est un homme qui le lui a enseigné, qui lui a enseigné le Coran. Or, la langue de celui qu'il vise est une langue barbare, est une langue ajami, non arabe, alors que ce texte est en langue arabe éloquente. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Dans sourate An-Nahl, il dit ce verset-là. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Quand on lit le Coran, on lit quoi? On lit l'araméen? On lit le syriaque, on lit l'hébreu, l'abyssin, le perse, le nabatéen, on lit des textes en langue arabe éloquente. La structure des phrases, l'agencement des mots, les phrases nominales, les phrases verbales, les formes des noms, les noms d'action, les noms sujets, les noms relatifs au verbe, asma al-af'al, ism al-maf'oul, ce qui est déclinable, ce qui est indéclinable, le mot arabe ou le mabni, les schèmes, les paradigmes des verbes. Hein, qu'ils soient construits sur le schème fa'ala ou fta'ala, etc. Ou staf'ala, les figures de style, hein, les ellipses synecdotiques, etc. Ça, aucun savant musulman n'a dit qu'il a été emprunté à une langue quelconque. C'est la langue arabe éloquente qui transcende toute autre langue. Les orientalistes, à ce que je sais, aucun d'eux n'a osé dire qu'il a été tirées des autres langues. Ils s'attaquent quoi? Aux lettres, aux mots. Le lettre waw ajouté, ils disent que ces mots-là, que cette lettre est ajoutée. Ils disent, tiens, walmuqimina salat, il est mansoub, il est à l'accusatif, il est un nom sujet, il est un nom complément, alors que walmuqtuna zakat, il est marfou, etc. Il se concentre sur ces petits détails, ces petits détails-là. Bien sûr, leur attaque s'en vaine. Et ils s'attaquent aussi aux variantes, comme j'en ai parlé enfin, précédemment. Ils s'attaquent aux mots, hein, comme Coran. Ils disent oh, Coran. Coran, Coran, provient du mot syriaque Keriana. Et on a déjà expliqué que le mot Coran a une étymologie en langue arabe. Il a une racine avec ses radicaux et ses dérivés. Coran, Qara'tu, Qara'al, Qara. On a expliqué que c'est un nom, c'est un mot arabe. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, les noms propres, ça y a aucun problème. Les noms propres des personnes non arabes qui se trouvent dans le Coran, cette personne n'a dit que ce sont des noms arabes. Nuh, Ibrahim, Pharaon parmi les prophètes, et puis Pharaon et Qaron parmi les mécréants, sont des noms non arabes. Et ça, ils sont d'accord là-dessus. Encore faut-il souligner que le prophète Hud et le prophète Saleh et Shu'aib sont des prophètes arabes. Leurs noms sont des noms arabes. Ils ont vécu dans la péninsule arabique. Donc, alors, si on exclut la structure des phrases, le style et les noms des prophètes arabes, il existe un nombre limité de noms. Certains ont, bon, maximum une centaine, qui ont fait l'objet de discussions entre les ulama, entre les exégètes, les linguistes, les osoli aussi, à propos de l'origine étrangère de ces noms-là. Une centaine, moins 20, 25, une trentaine, bon. Qui ont fait l'objet de discussions entre les savants. Et on dit, est-ce que leur origine est étrangère ou non? Bon. Deux grands avis partagent les savants, les ulama. Deux grands avis, si on veut résumer. Suyuti a dit, là nous sommes dans le 38e chapitre de l'Isqana, « Fima waqa'a bi ghayri lughati al-arab ». Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Suyuti? Il a dit, j'ai consacré à ce sujet un livre que j'ai intitulé Al-Muhadhab fi ma waqa'a fi al-Qur'an min al-Mu'arrab. Il a dit, j'ai consacré un livre, voilà le titre. Puis il a dit, bon, ce chapitre-là, de toute façon, ce livre-là, qui est Al-Muhadhab, il l'a résumé dans l'Itqan. Il en a donné un résumé. Et puis là, bon. Des exemples pour que vous ayez une idée sur les mots étrangers qui sont prétendument étrangers, comme akwab, istabraq, abariq, awab, bi'a, aljibt, jahannam, hawariyoun, zanjabil, salsabil, sundus, des mots comme ça où on dit que qu'ils sont d'origine étrangère, que ce sont des noms nabatéens, hébreux, syriaques, éthiopiens, etc. D'accord. Il a dit, voilà, il a commencé par ça. Il a dit fal aktharun wa minhum al imam ash-Shafi'i wa ibn Jarir wa Abu Ubaida wa al qadi Abu Bakr wa ibn Faris ala adam wuqu'ihi fihi. Il a dit wa akthar fal aktharun, la plupart d'entre les ulama, notamment l'imam Shafi'i, Ibn Jarir Tabari, Sheikh al-Mufsirin, Abu Ubaida, il s'agit d'Abu Ubaida Ma'mar ibn al-Muthanna, Al-Qadi Abu Bakr, là, Al-Qadi Abu Bakr, il s'agit d'Abu Bakr al-Baqillani, et Ibn Faris, ça veut dire le linguiste. Ils soutiennent qu'il n'y a pas de nom non arabe dans le Coran. Ah, ces grands savants soutiennent qu'il n'y a pas de nom non arabe dans le Coran. Je dis que Shafi'i, il a sévèrement condamné l'avis qui soutient l'existence d'un vocabulaire non arabe dans le Coran, dans son fameux livre des Usul al-Risala. Il a dit, je traduis ce qu'il a dit, وَلَقَدْ تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به. Il a dit certains ont parlé en matière de ilm d'une manière telle que s'ils s'étaient abstenus de se prononcer sur certaines questions qu'ils avaient abordées, cela aurait mieux valu pour eux. لكان أولى به وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعد ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. Cela aurait mieux valu pour eux et les aurait mis davantage à l'abri de l'erreur. فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وأعجميا. Il a dit l'un d'eux a en effet dit, il y a dans le Coran des termes arabes et des termes non arabes. Là, il va condamner ça. Il a commencé par ses petites introductions. Il a dit, il y a des gens, il vaut mieux qu'ils ne parlent pas sur certaines questions concernant la science. Cela aurait été mieux pour eux que de se taire. Que de parler. فقال نعم. فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وأعجميا. L'un d'eux a en effet dit, il y a dans le Coran des termes arabes et des termes non arabes. La réponse de Shafi'i. Wal Qur'an yadullu ala an laysa min kitab Allah shay'un illa bi lisan al-arab. Or le Coran montre, wal Qur'an yadull, le Coran montre qu'il n'y a rien dans le livre d'Allah si ce n'est en langue arabe. Wa lisan al-arab شاهد. Là, il montre, il est en train d'argumenter. ولسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا. La langue arabe est parmi toutes les langues la plus vaste en mode d'expression et celle dont le vocabulaire est le plus riche. ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. À notre connaissance, personne n'embrasse de science la langue arabe sauf un prophète. Donc la langue arabe est très vaste. Quand on veut dire Stabraq n'est pas une langue arabe, mais la langue arabe, elle est très vaste. Si la personne ne connaît pas le sens de ce mot-là, quelqu'un d'autre pourrait le connaître. La langue arabe est très large. Il a dit ولكن لا يذهب منه شيء على عمتي حتى يكون موجودا فيها من لا يعرفه. يعني ولكن لا يذهب منه شيء على عمتها حتى لا يكون شيئا حتى لا يكون موجودا فيها من لا يعرف. Il a dit cependant il n'y a rien de cette science qui échappe à l'ensemble des Arabes, à l'ensemble des Arabes, si bien que personne ne peut le connaître. C'est-à-dire, il veut dire par là que il n'y a rien de cette science qui échappe à l'ensemble des Arabes. C'est-à-dire, il se trouve toujours quelqu'un pour connaître le sens de ces mots-là. Qui paraissent étrangers pour d'autres. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا يعني لا نعلم رجلا جمع السنة والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع السنة. La science au sujet de la langue et comme la science au sujet de la sunna, nous connaissons personne ayant réuni toutes les traditions. C'est-à-dire personne n'ose prétendre connaître tous les hadiths du prophète, toute la sunna. Sûrement que certaines traditions vont lui échapper. Parce que bon, la sunna est très large. La langue arabe est pareille, elle est très vaste. Ça, c'est un extrait que j'ai traduit du Kitab al-Risala. Et Ibn Jarir al-Tabari, il a dit, ça, Ibn Jarir al-Tabari, il parle de cette question dans son introduction du tafsir. Il dit, les récits qui remontent à Ibn Abbas et d'autres, d'après lesquels ils expliquent que tel mot a telle signification en langue perse ou en langue abyssine ou en nabatéen, il dit, il s'agit de termes sur lesquels s'accordent les langues et que les Arabes, les Perses, les Abyssins ont prononcé. Vous avez compris ? Quand Ibn Abbas, il dit, Qaswara, par exemple, Qaswara signifie en abyssin lion. Qaswara dans Sourate Al-Muddathir. Fama lahum ani tadhkir. Non. Ka'annahum humurun mustanfira. Farrat min Qaswara. Comme des onagres excités qui fouillent un Qaswara. Il fouille Qaswara, ça veut dire lion. Ibn Abbas, il dit Qaswara, c'est signifie lion en abyssin. Mais cela ne veut pas dire que ces termes-là ont été empruntés à l'abyssin, mais seulement que les deux langues ont en commun ces termes-là, tout simplement. C'est ce que veut dire l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah. Et parmi les savants contemporains qui soutiennent cet avis, il y a l'éminent savant Ahmed Mohamed Shaker, imam du hadith, vous savez, le grand imam du hadith contemporain. Il est reconnu par le Cheikh Albani. Vous savez que le Cheikh Albani, les trois grands savants qu'il reconnaît vraiment sont Ahmed Shaker, Cheikh Ibn Baz, et le Cheikh Mubarak Fouri, le Hindi, l'Indien. Et l'éminent savant Mohamed Ahmed Shakir, il a fait le tahqiq de Mousnad l'Imam Ahmed, il ne l'a pas terminé. Il a fait aussi le tahqiq de Alfiyat Suyuti, le tahqiq de la vérification des hadiths aussi des traditions du tafsir de Ibn Jarir al-Tabari avec son frère Mahmoud Shakir. Il est mort en 1958, rahimahullah. Ahmed Mahmoud Shakir, il a vérifié et expliqué le livre Al-Mu'arrab min al-Kalam al-A'jami ala huruf al-Mu'jam. Il a fait l'explication, il a vérifié ce livre-là. Ce livre-là, il est écrit par Abu al-Mansour al-Jawaliqi, qui est mort en 540 de l'Hijr. C'est un livre sur les mots, entre parenthèses, étrangers qui ont été arabisés. Et il a dit, dans l'introduction de ce livre, il a dit, voici ce qu'il est, c'est très intéressant ce qu'il a dit, les Arabes sont l'une des plus anciennes nations. Et leur langue est l'une des plus anciennes langues. Elle existait avant Ibrahim et Ismaïl, avant le Chaldéen, avant l'Hébreu, le Syriaque, et d'autres langues. والعرب أمة من أقدم الأمم ولغتها من أقدم اللغات وجودا كانت قبل إبراهيم وإسماعيل وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية بل الفارسية وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ. Il y a dit, beaucoup d'éléments de cette langue, de l'arabe ancien, ont disparu avec la disparition de la première civilisation arabe préhistorique. Il continue, il dit فلعل الألفاظ القرآنية التي يظن أن أصلها ليس من لسان العرب ولا يعرف مصدر اشتقاقها لعلها من بعد ما فقد أصله وبقي الحرف وحده. Il a dit peut-être que certains mots coraniques dont l'origine est aux yeux de certains ne font pas partie de la langue arabe et dont on ne connaît pas l'étymologie, peut-être qu'ils font partie des mots arabes dont l'origine a disparu et il n'en existe que le terme. Il dit peut-être que ces mots-là, comme Sundus et Stabraq, ce ne sont pas que les Stabraq, ce n'est pas un nom perse. C'est vrai que les Perses utilisent le mot Stabraq. Peut-être qu'ils ont, ce sont eux qui l'ont emprunté à l'arabe, puisque l'arabe est antérieur à la langue perse. Puis il a dit: ثم تزيد بعض العلماء المتأخرين وتكاثروا في ادعاء العجمة لألفاظ من حروف القرآن. Et dans les générations postérieures, un certain nombre de savants ont prétendu la non-arabité de certains mots du Coran. Ils étaient même de la surenchère. وكلما رأى أحد منهم كلما رأى أحد فيها شبهة رأى في عجمتها طاروا بها وجمعوها إلى ما عندهم حتى ألفوا في ذلك كتبا وكلما رأى أحد منها شبهة رأى في عجمتها طاروا بها وجمعوها إلى ما عندهم حتى ألفوا في ذلك. Chaque fois que l'un d'eux voit un soupçon de non-arabité dans un mot, il voit qu'un nom il a une certaine sonorité qui lui rappelle une langue étrangère, il se hâte, a dit Ahmed Shakir, taru biha wa jama'u, il se hâte de l'ajouter aux autres mots qu'ils ont réunis au point d'en faire des livres. Ce qu'a dit Ahmed Shakir est d'une importance majeure. Il détruit les allégations des orientalistes sur l'antériorité de l'hébreu, du syriaque, de l'araméen par rapport à l'arabe. À quoi fait-il allusion quand il dit que les Arabes constituent l'une des plus anciennes nations? À quoi il fait allusion? Il fait allusion aux Ad, au peuple de Ad et de Thamoud, de Jorhom. Ce sont les anciens Arabes. Hein? Le Coran nous a narré l'histoire de Ad, le peuple de à qui le peuple à qui le prophète Hud a été envoyé, et Thamoud, le peuple du prophète Saleh. Et ça, on les appelle l'Arab, l'Arab. Al-Ba'ida, c'est les Arabes disparus, c'est les civilisations éteintes à une époque très reculée, proche de l'époque de Nuh alayhi salam. Vous savez, les historiens, les généalogistes et linguistes musulmans, comme Zubair ibn Bakar, Mohammed ibn Ishaq, Ma'mar ibn al-Muthanna, Mohammed ibn Abayd al-Adawi, Ali ibn Kaysan, comme beaucoup d'autres, le Jorjani, comme Abd al-Malik ibn Habib al-Andalusi, Ibn Abd al-Barr, le grand Ibn Abd al-Barr, l'éminent savant maghrébin, il classifie les Arabes en trois races, en trois peuples. Il y a les Arabes éteints, l'Arabe al-Ba'ida, il y a les Arabes al-Ariba, les Arabes de race pure, les Qahtanites, la descendance de Qahtan ibn Amir ibn Shalikh, hein, Ibn Afrakhasht, Ibn Sam, Ibn Nuh. Ça c'est le Qahtanite, la descendance de Qahtan au Yémen. Et puis il y a les Arabes arabisés, l'Arabe al-Musta'riba. On les appelle les Adnaniyoun, ou les Nizariyoun, ou les Ma'diyoun. Ils sont la descendance de Ismaïl. C'est Ismaïl. Ismaïl, il a épousé Ra'la al-Jurhumiya. Ra'la al-Jurhumiya, il a appris de sa tribu, de la tribu de son épouse, de la langue arabe, et il est devenu éloquent en langue arabe. Ça, il y a presque accord là-dessus entre les historiens musulmans. Et même dans la poésie anti-islamique, il parle du peuple de Ad, de Thamoud, de ces Arabes anciens. Les orientalistes ne reconnaissent pas les anciens Arabes, et il n'y a pas mention de Ad et de Thamoud, d'ailleurs, il n'y a pas mention de Ad et de Thamoud dans la Torah, ni dans les sources grecques, ni latines ou syriaques, d'après ce qu'a dit le docteur Jawad Ali dans son livre Al-Mufassal fi Tarikh, l'Arab qabla l'Islam. Docteur Jawad Ali, il a fait très très bon livre. Livre, c'est pas un livre, c'est une encyclopédie en 20 volumes qu'il a écrit. Il est mort en 1408 de l'Égypte, il y a 26 ans de là. D'ailleurs, toute la classification des orientalistes des langues sémitiques est remise en cause. Elle se fonde sur des conjectures et sur la Torah et l'Évangile qui ont été altérées. Subhanallah. Aucune reconnaissance des sources arabes et un mépris de la langue arabe. La civilisation arabe est très ancienne. Elle était une des riches sources pour les civilisations en Irak, en Égypte et en Syrie. Ce qu'il y eut dans le passé, il y eut 5 grandes émigrations à partir de la péninsule arabique. Et des populations ayant émigré sont nés les Chaldéens, les Assyriens, les Babyloniens, les Amorites, l'Amorion, les Araméens, les Cananéens, les Cananéens, et même les Hébreux. Ça, c'est avant Ibrahim alayhi salam. C'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est le résultat de recherches de chercheurs arabes, comme le docteur Fahmi Khoshaim, comme le docteur Behjat Qaysi, Behjat Qubaysi, dans son livre Malamih fi Fiqh al-Lahajat al-Arabiyyat. Et l'archéologue italien Sabatino Moscati, il parle de ces émigrations dans son livre « Les anciennes civilisations sémitiques ». Vous pouvez lire par exemple « La cité d'Isis, histoire vraie des Arabes » de Pierre Rossi. Il l'a écrit en 1976. Si vous voulez, je vous cite un extrait de son livre. Je cherche donc la page 12, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit dans la page 12. Pour aboutir à la chapelle Médicis, joyau de l'art occidental, il a donc fallu que se perpétue et se confonde en un essor continu l'Égypte et la Chaldée, la Palestine et l'Anatolie, le Yémen et le Pont Euxin, la Grèce et Rome enfin. c'est-à-dire toutes les puissances culturelles de l'espace arabe. C'est le monde arabe qui a donné à notre esprit occidental la mesure orientale, sans laquelle il n'aurait pu ni se définir ni se stabiliser dans son harmonie. En parlant d'espace arabe, nous avons conscience d'aller à l'encontre d'une théorie sacrée qui fait de l'arabe un personnage, qui fait de l'arabe avec A majuscule, qui fait de l'arabe un personnage désertique surgi dans l'histoire à une époque indéterminée. Les premiers temps de l'histoire des Arabes, écrit doctement l'encyclopédie d'Islam, sont encore très obscurs. Nous ne savons ni d'où ils viennent, ni quelle fut leur existence primitive. La Pierre aussi commente, une chose paraît sûre pourtant à l'auteur de l'article, c'est qu'ils étaient et sont des sémites. Et voilà la grande explication lâchée. Explication en réalité parfaitement vide de sens. Tellement vide que la même encyclopédie de l'islam n'a pas osé faire figurer le paragraphe sémite à la table des matières. Est-il besoin d'ajouter que l'expression sémite ne figure ni dans le vocabulaire grec, ni dans la langue latine, ce qui en dit long? On ne la trouve nulle part avant la fin du XVIIIe siècle. C'est en effet l'érudit allemand A.L. Scholzer qui a forgé l'adjectif sémite dans un ouvrage publié en 1781 et intitulé « Répertoire de la littérature biblique et orientale ». Comme si la littérature biblique n'était pas orientale. Qu'il soit venu à l'esprit de A.L. Scholzer d'établir un tel démarquage nous invite à la méfiance. Il est certes péremptoirement admis que le partage des peuples entre orientaux et occidentaux est la clé de notre histoire et qu'à cette division géographique correspond une double frontière ethnique et linguistique qui est celle des Indo-Européens appelés parfois Aryens et des Sémites. Tous les bons esprits ont jusqu'à ce jour plié le genou devant cette invention née de l'imagination des philologues allemands. Les historiens de demain s'étonneront du triomphe paradoxal de la crédulité et du conformisme en une époque, la nôtre, qui s'affirme sceptique, rationaliste et contestataire. Bon, je vais aller plus loin, je vais chercher dans la page 17... Page 17, il dit voilà. Bref, nous sommes en pleine ignorance, une ignorance scientifique sans temps. Tout serait pourtant tellement simple si, au lieu de parler des sémites, héros fictifs d'une étymologie imaginaire, nous parlions des Arabes, peuple bien réel et dont la permanence sociologique, culturelle et linguistique donne vie et équilibre à la Méditerranée depuis plusieurs millénaires. Les monuments sont là pour attester que la civilisation qui est la nôtre a pris naissance et éclat dans un territoire compris entre le Nil et l'Indus, le Caucase et le détroit de Bab el-Mandeb. Détroit de Bab el-Mandeb, c'est entre Djibouti et le Yémen, hein, c'est le détroit sud de la mer Rouge. Il a dit, quatre nations s'y sont taillées un empire de longue durée. Les Égyptiens, les Syro-Cananiens, les Gréco-Hittites et les Babyloniens. Une seule langue écrite et parlée a fini par s'y imposer et par recouvrir ce grand ensemble, l'araméen et son annexe occidental, le grec, étroitement apparentés l'un à l'autre. Or, l'araméen a évolué naturellement et sans heurts en langue arabe. Voilà. Donc les hypothèses des orientalistes du genre que tel mot coranique a été emprunté à l'araméen ou à l'hébreu ou à d'autres langues, tout cela doit être mis en cause parce que la langue arabe précède ces langues-là. Qui est l'origine? Quelle langue est l'origine de l'autre? Nous ne sommes sûrs que les Thamoud et les Ad sont venus avant les autres civilisations. C'est presque Ad, c'est le peuple de Ad et les proches du peuple de Nuh, alayhi salam. Voilà en ce qui concerne le premier avis des ulama. Bon, je laisserai, inshallah, le deuxième avis des ulama en ce qui concerne la non-arabité de certains mots coraniques, je laisserai au prochain dars, inshallah. Voilà, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.